Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler de patinage de vitesse sur courte-piste. On a parlé avec François-Olivier Roberge de la performance des plus grandes de l'équipe nationale qui était en fin de semaine en Hongrie. Là, maintenant, on va parler des plus petits de la région. Il y avait une compétition à Rimouski en fin de semaine. On en parle avec David Simard, notre chroniqueur. C'est David. Bonjour. David, si on parlait maintenant, c'était quoi cette compétition-là à Rimouski? En fait, c'est une compétition provinciale. C'est notre deuxième circuit provincial qu'on a. Il est séparé en deux secteurs au Québec, donc l'Est et l'Ouest. Okay. Donc, nous autres, on avait notre secteur ici de l'Est du Québec qui patinait. Donc, c'était parmi les meilleurs exemples de la région de Sherbrooke, ça va jusqu'à Trois-Rivières, région de Québec. Puis les patineurs de la région et aussi du Bas-Saint-Laurent, là, tout ce qui est Matane, tous ces coins, ces régions-là. Ouais. Okay. Qu'est-ce que ça a dit pour nous autres, pour nos patineurs? Ben, pour la région, c'est quand même bien dans l'ensemble. Okay. Au niveau du Haut-du-Lac, ceux avec les performances, on dirait qu'ils ne sont pas si fortes que ça, sauf qu'on a différents groupes d'entraînement. Fait qu'on avait Olivier Collard qui patinait dans le groupe 2 présentement de Saint-Félicien. Okay. Il est arrivé à une 15e position. Olivier, il ne s'est pas beaucoup entraîné cet été, fait qu'il était... Il y a eu un début de saison à courser un petit peu. Donc, il y a eu une quinzième position, mais d'après moi, dans les prochaines semaines, même dans les prochains mois, il va être capable d'atteindre vers les premières positions de ce groupe-là facilement. Donc, okay. C'est un peu notre entrée en matière dans l'année. Et aussi, on avait deux niveaux du circuit qui s'étaient à leur première expérience, dont dans le groupe 4 au niveau des garçons, sont arrivés à 19e et 21e place de Saint-Félicien. Donc, Nicolas Tremblay de Saint-Félicien et Jean-Christophe Tremblay. Donc, des performances... qui sont un peu difficiles aussi de la première compétition. C'est une première compétition d'envergure pour eux autres, donc c'est assez gros. Puis, il faut performer avec un court délai d'entraînement avec le début de saison qu'on a. Donc, c'est difficile pour eux autres. C'est sûr qu'au lac, les arénas commencent un peu vers le mois de début septembre. Fait que les autres patineurs un peu patinent depuis un certain temps, depuis le niveau estival. Fait qu'on est un peu... laissé un peu à ce niveau-là, mais c'est la particularité de la région. On fait avec, puis... dans les prochaines semaines, nous autres, leur entraînement va être bénéfique. Ils vont voir un peu à quoi s'attenir aussi pour les prochaines compétitions. Fait qu'on va pouvoir développer de bonnes performances. OK. Donc, pour Dolbeau, est-ce qu'il y en avait aussi? Tu m'as parlé de... J'avais pas de patineur de Dolbeau à cette compétition. Il y en avait une qui était souhaité s'inscrire. En fin de compte, elle s'est pas inscrite. Okay. J'ai des patineurs d'Alma, là, donc une bonne performance d'un patineur, ouais. Justin Bergeron, au niveau groupe 1 masculin. Okay. Il est arrivé en deuxième position. Justin, c'est un patineur de l'ancienne structure un peu 3A au hockey, qui a transféré et aussi dans le 3A au soccer. Donc, un gars multisport, mais qui réussit à performer dans tous ces sports-là. Fait que c'est super le fun pour souligner comme performance. Une deuxième position. On a aussi Tristan Gagné aussi d'Alma, qui est arrivé 13e dans le groupe 4 garçons aussi. Donc, c'est un peu nos patineurs de la région qui étaient à ce niveau-là, au niveau des filles, puis au niveau des gars. OK, OK. Prochaine compétition maintenant qu'on peut se parler. Là. Donc, une grosse compétition, nous autres, qui s'en vient en fin de semaine à Chicoutimi. OK. C'est une compétition d'envergure élite, donc c'est les meilleurs patineurs du Québec. Ceux qui font pas le réseau dans tout le monde, d'habitude, sont présents à cette compétition-là. C'est une compétition d'importance pour une chose, c'est que c'est dans la dernière compétition où on peut faire un peu nos sélections pour nous classer pour les compétitions nationales. Donc, pour le Québec, on pourrait être classé parmi les meilleurs, faire des temps et ainsi de suite. Donc, c'est une compétition assez relevée. Il faut avoir beaucoup de stress pour se classer. Il y a 10 places disponibles présentement pour se classer. On a environ une trentaine d'élus. Donc, ça va se battre pour la région. On a quand même beaucoup de places. Chez les filles, eux, leur importance est beaucoup de commencer à parfaire leur stratégie en vue des compétitions nationales. Donc, on a des Marianne Gay et Mélina Tremblay de Saint-Félicien, eux qui ont les grosses compétitions. Même chose pour Maud Tremblay de Dolbeau et de Karina Montmini, eux. Donc, eux, on va parfaire certaines stratégies pour voir ce qu'on est rendu. Après ça, de s'adapter pour nos compétitions, nos entraînements. Là, eux sont déjà préclassés, vu étant donné leur performance l'année passée. Okay. Puis pour les autres, on va avoir des classements à faire. Okay. Ben, David, on s'en reparle lundi prochain. Parfait. Voilà, donc, c'est notre chroniqueur de patinage, un de nos chroniqueurs de patinage à vitesse sur Côte-à-Piste, David Simard.